ya banaki yo moko banaki bolingono ngaya bomana na sengi tangase nani uta na botama na mona na inote epai balati salopete na moto aboy moninga ya sami mikobi le stratège président constat au mari l'homme moderne Amboko saladi mindelaka Amboko otola la nyami papa Amboko sona yeyeyeyeye Lenda ndoyo chojone Amboko otola kana Wekelo tema mi papa kamide Professeur Henri Kalama Ah John, balo après la pluie vient le beau temps. Oyanga mvule beti, koleka ya noa. Igenzinga mvuando. Na komyo zinda chéri, sauvez-moi. Kaki akewa. Il est le kako la papa na Edgar Aloïs. Akaka ya tosa ole chosola. Ya kata longo sole. L'architecte du contemporain. Konanga muta loto idaye sauda miye poto ika papa akonga yena toko seme yema timi nyangwa na ye papa seme yema timi mamodete toko mboka yema George papa Diaka. Seme yema le konanga muta Robert Diaka dasho munga ora kiso ye la donna donna Dani Makondo Mundes Landin Pidele Miss WhatsApp Mazin Basila Maître Bobo Pembo Skadima, Kaska Sobia, Stella Mpuka, Stil Campis. Nasina Lina ya de Dangola, Musa wa aya motema, Yakana yosuka teo. Lidi Mbombo, MLD, Sylvie Mwadi. Pati Salou Sekide, Info Salou de Bruxelles. Ingénieur Pati Bondele, Dracongo. Maître Innocent Kifungulu. Ibanga, Gérard Basilwa, Oscar Mukenga les banquiers, Coco Chibanda, ma gloire des tours, Yannick Mbuku, Kajé Mbuku, Selina Matumweni, Maître Bonnei Kamuleta, Maître JP Tumbat, Maître Galostar, Docteur JBK, Nabet Forvi, Contournable Docteur Sumbabao, Elias Kanza, Christian Kabongo, le professeur Jumari Bariba, Guy Nofambala. Zoko Baoba du charisme. Le coach Mabina FPI. Mais bizarre. Suzy Agathe Ebende. Josephine Péchang. Ya Fabrice Mouchete. Dem Record. Vanessa, Christian et Jonathan. Keren, Exaucé, Benjamin Chosola. Yo-yo, Casserole. Emmanuel Engeya. Ade, Fadi Banga, Pastor Joe Osoba, Yarachel Mawede.